peux circuler sans feu. Réponse A. En feu de position. Réponse B. En feu de croisement. Réponse C. En feu de brouillard avant. Réponse D.